Riders kill, it's on live. La vague monte, les vrais sont là. On stream, on shine. J'ouvre le stream comme on ouvre la route. Les viewers se posent, y'a plus de doute. Chaque vibe est calée, chaque mot résonne. J'fais danser les pixels, j'fais groover les hommes. Riders kill, c'est pas qu'un blaze. C'est un mouvement, une vibe qui phase. Chill dans la voix, feu dans les yeux. Et mes fidèles, toujours présents, c'est sérieux. Wave riders, stream is life. Baseline, rose, chats on fire. Riders kill, with viewers tight. Riding beats in. T'as kiffé, j'suis dans le flow, toi dans le canapé. Pas de script, juste du vrai. Et si j'perds, c'est pour mieux les raider. J'vois les pseudos défiler en boucle. Team Rider Skill, mets la vibe dans la boucle. C'est pas qu'un stream, c'est une station. Un groove partagé, une élévation. Team fidèle, stream éternel.